elle l'oublie, qu'elle a détruit un couple qui était uni. Ça te passait, on dit moi qu'un mot de ou, ça te passait là, ça te passait. Mon page en me fait rien poli, des farailles moi je dis. Ça te passait, on dit moi qu'un mot de ou, ça te passait là, ça te passait. Le passé m'a détruit, mais je refuse mon assermon. Je ne veux plus qu'on m'associe à leurs problèmes, à leur vie. Je veux exister, je veux de ma tranquillité. Ça te passait.